deuxième partie, j'ai oublié à peu près tout le temps de vous lire le message. On va commencer tout de suite. Premièrement, je vais vous informer que dans quelques semaines, demain, il va y avoir des tables et du café pendant les conférences. Ensuite, pour toute personne intéressée, il y a le que je bois du café? Non, faut bouger. Tu peux le manger si tu veux. Ça se fait en grains aussi. J'aime le sentir. Veuillez noter que le séminaire de Daniel a été rapporté au 11 et 12 novembre. Manipulation de l'astral, parce qu'il y en a un qui va pas venir en fin de semaine. De plus, au cours du mois de novembre et décembre, il y a des cours qui vont commencer, des cours PMC, tels que, c'est tous des cours séparés, contact avec l'ajusteur de pensée, contrôle de l'ajusteur de pensée, colère mentale, technique de contrôle Menfi, et pour toute autre information, vous pourrez vérifier à la table à la sortie. Voilà, petit message. Première question, pourquoi je pose des questions? Pour que je puisse y répondre. Pourquoi l'ego a toujours le goût de poser des questions ou le mental? Qui pose des questions? L'ego ou le mental? On a frustré une gang si c'est l'ego. Là. Qui pose des questions après la conférence? Et qu'est-ce qui me fait poser des questions? Bon, premièrement, l'humain ne pose pas de questions. C'est une illusion. Ce qui arrive simplement, c'est que l'humain a une partie d'information et dans la partie d'information qu'il a, vu qu'il lui manque le reste de l'information, il exprime la partie qu'il a et cette expression finit qu'un point d'interrogation. Et l'humain a appris à mettre le mot « pourquoi », etc., avant d'exprimer la partie d'information qu'il avait, ce qui assujettit l'humain à l'attente d'une réponse, alors que si, au lieu de poser la question avec un « pourquoi », il exprimerait directement la partie d'information qu'il a, il pourrait sans doute poursuivre avec le reste de l'information qu'il n'a pas. Est-ce que c'est la sensation d'un manque d'une partie d'information qui fait poser la question? Ben, c'est la sensation, c'est la perception. Bon, l'exemple que je donne souvent en séminaire, c'est que dans l'homme, il y a évidemment l'âme, et l'âme, ce n'est pas l'esprit. L'âme n'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important dans un contexte évolutionnaire comme une planète. C'est pourquoi la majorité des théologies sont basées sur le phénomène de l'âme. Mais du point de vue cosmique, l'esprit est beaucoup plus important. C'est lui qui engendre la mécanique des âmes. Les âmes ne sont que des mémoires d'esprit. Dans l'homme, il y a une substance qui est l'ego, et on prend une tige, c'est quelque chose qui est plein, et on traverse l'ego. Ça, c'est un faisceau d'intelligence, disons, qui vient de traverser l'ego. Parce que la tige est colorée de bleu, la tige est totalement faite de bleu, lorsqu'elle traverse, par exemple, l'ego qui est constitué de beurre jaune, eh bien, elle fait un trou dans le beurre, et elle traverse au complet, et elle s'en va. Et là, il reste le trou, et le bleu. Alors, le beurre a maintenant un trou chez lui, ce qui est le vide pour le combler, parce que l'ego est insécure s'il y a un trou, il doit le combler. La recherche pour combler le trou, c'est la recherche de la réponse. Et par la suite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre tout le bleu qui est là, le dessin du bleu, et on va essayer de prendre cela comme d'un moule pour aller chercher quelque chose qui pourrait rentrer là-dedans, de façon à reboucher le trou avec. Alors ça, le bleu qui contourne le trou dans le beurre, c'est la trace laissée par le passage du faisceau. Plus le faisceau était puissant, plus il y aura un trou grand, donc plus par la suite il y aura une recherche, et plus il y aura de bleu, plus il y aura de questions neuves à amener, mais avec évidemment un manque de réponse qui sera un peu plus astronomique. Mais le fait de commencer à se répondre nous-mêmes, comme tu le dis, est-ce que ça fait ramener la tige bleue? Regarde ce que ça donne. Chaque être humain a une âme, et l'âme, il y a deux canaux après l'âme, deux antennes. L'une est un canal réincarnationnel qui relie l'humain au monde de la mort. L'autre est un canal qui est l'ajusteur de pensée, qui normalement est relié au canal réincarnationnel. Bon, quand on fait des voyages astrales, on appelle ça la corde d'argent, ce canal-là ici. L'ajusteur de pensée, lorsqu'à un moment donné, dans la voie de conscientisation, il se détache lorsque l'on pose des questions. Il se détache bien souvent, mais il se rattache pour répondre. Si on pose des questions convenablement, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que l'ajusteur de pensée étant libéré est juste un peu trop court pour traverser le monde de la mort, pour aller chercher de l'information au niveau du plan supramental, l'esprit. Alors, il se détache, et là, il essaie de poser la question. Mais ce que l'on doit faire, c'est poser la question exactement selon l'intuition, c'est-à-dire selon la trace laissée dans le bleu par la tige dans l'arme, le morceau de bas. Ça, c'est par de la mémoire de la trace. Alors, regardons ceci. On prend le beurre avec le bleu, et ça, on le sort de l'arme. Ça crée un trou plus grand. C'est ce qui est l'insécurité qui, normalement, empêche l'ego de se répondre à ces questions. Le trou devient plus grand. Réponds-toi toi-même. C'est comme plus peurant. Oui, c'est normal, parce que tu dois extirper une partie de l'arme avec le trou, et ce trou-là, il doit, ça fait comme un canal. Ça doit être placé au-dessus de l'ajusteur de pensée, et ça va donner ce qui manque pour traverser le monde de la mort, pour rejoindre l'information. Lorsque tu as traversé, l'information qui a créé le trou pénètre maintenant et comble totalement le trou, donc comble simplement la réponse. La question. Ça fond là-bas? Non. Ce qui va arriver, c'est que si l'information est trop puissante, ça peut sectionner le bas. Ben là, on parle encore de choc au niveau de l'ego. Ce qui est impressionnant, ce qui est épeurant pour un ego parce que ça va vers le neuf, mais ce n'est pas dangereux. D'ailleurs, salutaire. Lorsque la personne pose donc convenablement la question, nécessairement, il y aura un vide chez elle qui va lui, apparemment, lui interdire de se répondre et qui va aussi lui interdire de croire sa réponse. Pourquoi? Parce qu'elle se sentira comme plus basse, alors elle ne pourra pas faire confiance à quelque chose qui est plus bas. On pense souvent qu'on ne peut pas faire confiance à un médecin qui pose des questions sur la médecine. Alors que c'est peut-être lui qui est le plus fiable. Tandis qu'il y a beaucoup de médecins qui, eux, savent tout, ils ne posent pas de questions. C'est peut-être compliqué. Alors, lorsque l'individu pose des questions, bien, la question, c'est simplement l'expression à l'extérieur de l'information qu'on a eue avec un contact que l'ego ignore, parce qu'il n'a pas suffisamment expérimenté le contact, donc il n'a pas la mémoire de ce contact chez lui. Et lorsqu'on pose la question convenablement, eh bien, on a aussi la réponse. Alors, au lieu de dire « Pourquoi je pose des questions? », l'individu devrait dire « Je pose des questions et maintenant, tiens, même là, je pose une question. Donc, si je pose des questions, c'est que... Continue. J'ai trouvé comme définition dans le dictionnaire de humble, humilité, accepter sa petitesse et son impuissance. C'est dans quel dictionnaire? Pas manqué. Un dictionnaire épais, j'imagine. Ouais, ça. C'est le petit Robert. Est-ce cette même définition de humble, donc, dont tu parles dans la négoïsation, sinon, quelle est-elle? Ben, je pense que je viens de répondre, là. Bon, c'est évident que si l'individu qui fait le dictionnaire est une espèce de super orgueilleux, mais il va dire que les humbles, ceux qui ne se vantent pas parce qu'ils n'ont rien inventé, sont des médiocres et des minus. Mais l'humilité est aussi d'être capable d'être puissant et sans nécessairement devoir le prouver à toute l'humanité, c'est-à-dire à soi-même. Continuellement. Si je pose la question à quelqu'un, est-ce que tu es bon en dessin? Elle me répond oui. Si je demande, est-ce que tu es extrêmement bon en dessin? Elle me dit oui, extrêmement bon. Est-ce qu'elle se vante? Pas si elle est extrêmement bonne. Elle est humble. L'autre qui dit, je comprends donc, je pense que personne ne dessine aussi bien que moi. Connais-tu toute l'humanité? Elle n'est pas humble. La négoïsation, c'est la fonte de l'ego, c'est la fonte de vos misères. Or, ce n'est pas tout à fait la définition du dictionnaire. L'intelligence en nous n'est-elle reconnaissable que par une saveur particulière? Ah, un instant, je t'arrête. La personne qui a écrit « humble », je viens de fouiller, elle a défini l'humilité en fonction de la vision spirituelle de l'humilité. Petitesse, devant l'univers et devant Dieu. D'où le fait d'être humble et accepter sa petitesse. Tu me refais la définition? La définition de ça? Oui. Accepter sa petitesse et son impuissance devant les lois de Dieu et devant l'univers. De cette façon, ici, pour l'ego, l'humilité est d'accepter qu'il est un être plus bas. C'est la définition de l'humilité pour la personne qui l'a écrit en fonction de son obédience spirituelle. Elle est moins épaisse que je pensais. Mon anégoïsation va beaucoup plus loin que cette humilité. Ce n'est pas de l'humilité qui t'oblige à ramper. C'est de l'humilité qui t'oblige à cesser de chialer quand il pleut, parce que de toute façon, ça ne change rien. Alors, c'est pas que tu acceptes ton impuissance. C'est que je tolère qu'il pleuve. Et au lieu de passer mon temps à chercher, à tout chambarder ce que je ne peux atteindre pour l'instant, c'est comme celui qui prend une balle et qui veut faire tomber la boîte de biscuits contre l'armoire, il va y prendre du temps à tabarouette. Il ferait bien mieux de penser d'arrêter de faire ça, donc d'être humble, et de regarder autour, et lorsqu'il verra une chaise ou deux ou trois ou quatre, eh bien, il pourra faire un amoncellement pour aller chercher la boîte. Il sera humble. Il aura la boîte plus vite, par exemple. Humble, c'est pas un synonyme d'inintelligent. L'intelligence en nous n'est-elle reconnaissable que par une saveur particulière ou possède-t-elle une typologie, un caractère propre à chaque individu? Bon, étant donné que vos papilles gustatives sont tous relativement différentes, nécessairement la saveur d'un mets est différente pour tout le monde. C'est la même chose pour l'intelligence au niveau de l'ego, ça dépend de l'expérience que l'on a de l'ego, de l'âme, de l'esprit, de l'intelligence, de la vie, etc. Lorsque l'intelligence aura fait son œuvre dans l'ego, dans le corps physique, donc lorsque vous serez devenu plus clair dans votre vision de vous-même, on aura sans doute tous le même langage en ce qui concerne l'illusion. Même si on vibrera différemment les choses, on s'entendra pour parler avec des mots similaires. Comme quand l'on dit ce mets est bon, il n'a pas le même goût pour tout le monde. Mais si tout le monde est d'accord qu'il est bon, on est tous d'accord sur ce que l'on veut dire. Est-ce que les rêves qui créent des mondes se dissolvent avec le temps ou ils vont être vécus dans un futur par d'autres générations? Non, le rêve est un voyage astral qui est fait dans plusieurs niveaux en même temps et qui mélange différentes mémoires, tout ça, ce qui fait que le rêve n'est pas une cristallisation de l'avenir. C'est une expérience, et à un moment donné, dans le monde de la mort, le rêve va devenir une expérience en elle-même, mais ça n'oblige pas l'avenir. Comment développer le mental pour ne pas être brûlé au niveau de la tête? Cela arrive lorsque je travaille sur l'ordinateur à l'occasion, et cela sent les cheveux brûlés. Ça roule le feu. Ça réincarne peut-être sans ça. Pour éviter des plaintes des gens alentour et prendre des décisions constamment et autres manières à suggérer. Comment développer le mental de ne pas être brûlé au niveau de la tête? Cela arrive lorsque je travaille sur l'ordinateur. Et cela sent les cheveux brûlés. Il ne faudrait pas le brancher sur le 220 d'ordinateur, c'est tout. Pour éviter plein de gens alentour et prendre des décisions constamment, il y a trop de gens. Bon. Vous savez une chose. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de répondre à des questions qui portent sur l'évolution. Étant donné que je ne veux pas devenir un maître et que j'ai l'expérience de ce genre de choses dans le passé, quelques centaines d'années, les maîtres finissent toujours d'une façon qui n'est pas souhaitable. Alors, je ne me mêle plus depuis quelques années du karma des individus. Quand on a un problème qui est problématique, on va te voir, t'aimes ça les problèmes, alors on a le problème. On doit s'arranger pour le résoudre soi-même. Plus dans l'électronique on a de l'équipement qui est sensible, plus l'évolution de l'humain le perturbe. Pour cela, on doit acheter un équipement bâti plus solidement et qui normalement coûte beaucoup plus cher. Il y a des personnes qui ne sont pas capables d'avoir une horloge électronique autour d'elles parce que l'heure n'est jamais exacte. Il y a des personnes qui ne sont pas capables d'avoir un système vidéo sans qu'ils soient toujours en réparation. Il y en a qui abîment continuellement leur automobile. La personne ici, elle doit s'arranger pour trouver elle-même la réponse. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de trouver la réponse. La question est suffisamment bien posée pour cela. Mais l'ego veut solutionner quelque chose. Vous savez qu'habituellement, la majorité de la vie est passée uniquement pour solutionner les problèmes de l'ego, de l'enveloppe, de ce que vous êtes. Étant donné que la majorité des événements pourraient permettre à ce que vous êtes d'éclater et d'apparaître, de rayonner, on devrait toujours se servir de chacune des occasions pour s'en égoïser. C'est-à-dire qu'on doit se servir des occasions pour les changer, mais on doit les changer uniquement lorsque les problèmes ne nous dérangent plus. Lorsque ça ne nous dérange plus de marcher, on peut prendre l'autobus. Lorsque ça ne nous dérange plus de prendre l'autobus, on peut s'acheter une automobile. L'humain va dire, oui, mais c'est parce que là, ça me dérange de marcher, là, puis ce serait beaucoup plus intelligent si j'aurais une automobile. Ça dépend de quoi on parle. Et si on parle juste du visuel planétaire pendant le peu de temps que vous allez vivre dans ce corps-là, oui, ça semble. Sauf que vous apprenez quoi à travers la vie? Toute la vie, vous aurez chialé, toute la vie, vous vous serez plaint, toute la vie, vous vous serez plié, et toute la vie, vous n'aurez pas compris. Vous aurez réglé des problèmes temporels au lieu de régler des problèmes qui sont réels. Exactement comme ici, à chaque fois qu'on vous amène de quoi pour apprendre, vous mettez le feu après, j'ai réglé mon problème. Ben oui, l'examen était dans ce que j'ai brûlé, donc, problème. L'ordinateur fait ceci, fait cela, ça sent les cheveux, ça dérange les voisins. Bon. Ça vous dérange aussi que ça dérange les voisins. Profitez donc de l'occasion pour pouvoir sauver un peu de temps de vie. Vous savez qu'il y a énormément de personnes qui suivent des cours et plein de cours pour se déculpabiliser, se désensibiliser, devenir plus altruiste. Il y en a qui suivent un cours très long qui s'appelle religion, bon. Alors que toutes les situations de la vie ne sont pas là pour vous faire avancer. Non. Mais elles peuvent vous aider à avancer. Quand il pleut, ce n'est pas pour purifier l'âme. C'est parce que les nuages sont trop chargés d'eau et les conditions atmosphériques font que ça tombe à terre. Et ça permet un cycle biologique extrêmement intéressant. Mais on peut se servir de la pluie, par contre, pour cesser de chialer du mauvais temps. Ça ne nous empêche pas de prendre un parapluie, ça ne nous empêche pas de mettre un imperméable, non. Mais sommes-nous encore capables de sortir quand il pleut et de se faire mouiller? Comme si c'était pénible. Quelqu'un va dire, oui, mais c'est quand même pas confortable. Ta vie n'est pas à rechercher le confort. Puis en plus, c'est inconfortable pendant les 5 premières minutes. Puis après ça, tout s'arrange, tout se règle. L'homme n'est pas sur la terre pour être confortable. Il peut être confortable en l'avançant. Mais l'homme n'est pas sur la terre pour être heureux. À quoi ça sert d'être heureux plus ou moins toute sa vie pour mourir après, sans jamais avoir su ce qu'on était venu faire? Mais par contre, on peut être drôlement heureux en avançant. La priorité est souvent placée sur le symptôme secondaire. Exactement comme si le but d'avoir une automobile, c'est de la stationner. Mais non, elle est déjà stationnée dans le garage du vendeur. Mais on pourra la stationner quand on en aura une. Le but d'avoir une automobile, c'est de l'illustrer. Mais non, on pourra l'illustrer par contre. L'être humain n'est pas sur la planète pour être confortable. Je dis souvent que, voyez le problème ici de l'ordinateur, bon c'est un exemple, mais les humains ont suffisamment d'illusions de problèmes. Dans 2 ans d'ici, ça va être juste comique quand vous allez en parler. Mais l'énergie qu'on met présentement à vouloir le solutionner est bien souvent de l'énergie que l'on perd. Pourquoi? Parce que au lieu de se servir d'un événement, profiter de l'événement, ben on se fait profiter par l'événement. Toute la vie. Quand vous allez sortir d'ici ce soir, vous allez vous en aller. Et encore là, il y aura plusieurs situations, 100% de la vie. Vous devrez prendre l'ascenseur ou descendre. Certains se diront, bon, je prends cet ascenseur, est-ce que je descends par l'escalier? Déjà de l'hésitation. Sachez que ce n'est pas vous. Il y a une partie de l'ego qui veut aller par là, l'autre partie veut aller par là, puis vous êtes entre les deux, vous demandez qu'est-ce que vous faites là. Vous devez simplement sourire. Parce que vous venez de voir deux parties de l'ego. La théorie devient véracité, c'est vrai. Bon. Vous allez descendre, vous allez prendre le métro. Peut-être certains vous allez être inquiets. D'autres vont prendre leur automobile. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez peut-être chicaner. Vous allez peut-être vous amuser. Vous allez peut-être... Bon, toute la vie. Souvent, l'humain dit la vie nous amène des leçons. La vie n'amène pas de leçons. C'est pourquoi la vie n'aide pas ce qui vit. La vie, elle tue. La vie, elle amène des accidents. Ah, mais c'est une leçon, parce qu'à l'hôpital, j'ai appris. Ouais. L'autre, lui, il a appris en faisant de la planche sur le bord du Pacifique. Très heureux. Il y en a qui apprennent dans la souffrance ce que les autres apprennent dans le bonheur. La vie n'est pas un maître. Vous êtes le maître. Mais le maître le plus parfait est celui qui est capable de se servir des événements instantanés pour improviser la leçon. Alors, si on attend de la vie qu'elle nous amène une leçon toute faite, quelqu'un me disait à un moment donné, ben moi j'aimerais ça avoir une initiation qui brise l'ego, là. Je me sens prêt. Bon, elle est partie, puis elle a eu un accident. Automobile. Ça a brisé tout l'ego. La tôle, ça a brisé une partie du corps physique. Oh, mais c'était pas ça que je voulais! C'est pas comme ça! C'est ça le problème. Vous attendez que la vie vous aide. Je chialais pas. Mais c'est de l'initiation méritoire. C'est normalement souffrant, c'est très long, c'est problématique. J'ai attendu toute ma vie que mon mari change. Il n'a pas changé. Ben, il a changé, mais pas comme j'aurais pensé qu'il changerait. Il a changé de femme. Ben oui. Et peut-être que lui a attendu aussi toute sa vie que moi je change. Attendez pas après la vie. Vous êtes dedans. C'est comme de dire, je vais sur l'autoroute et puis je lâche le volant et puis il paraît que c'est une bonne automobile, ça. Il paraît que, il paraît que le taux d'accident avec cette automobile-là est réduit à presque zéro. Ouais, c'est quand tu tiens ton volant, hein. Alors, vu que tu as lu ça, ben, tu lâches tout et tu te dis, crime, je me fie à. L'automobile est parfaite, mais allez vous tuer. La vie, c'est la même chose. L'être humain n'a pas de libre arbitre comme il veut en vouloir un. Mais à l'intérieur, il a de la liberté. Vous ne pouvez peut-être pas encore avoir un libre arbitre sur ce qui va se passer dans votre vie. Mais vous pouvez déterminer ce qui va se passer chez vous avec la vie. L'extérieur qui fait ceci, l'ordinateur qui fait ceci, qui fait cela. C'est quoi cosmiquement le problème? Il n'y en a pas. Et c'est de la vie, c'est de la matière, c'est de l'événement, vous roulez dedans, ça fonctionne. C'est comme se poser la question chaque fois qu'on est assis dans un autobus, puis que ça prend un trou, bang. Voyons donc, pourquoi ça m'arrive encore, moi, que ça saute de même? Mais vous êtes 45 dans l'autobus, et puis en plus, il y a une rue dehors, puis il y a plein de monde qui sont passés là, ce qui fait qu'on n'a pas la visualisation complète de l'événement. Et on perd de l'énergie à vouloir s'arranger pour que ça saute plus, ça sautera toujours. On doit se servir des événements de la vie, pourquoi? Parce que plus vous allez changer l'intérieur, plus vous allez extirper l'esprit de la mémoire de l'esprit, donc vous allez sortir, vous, de la glaise qui s'accapare de vous en essayant de faire de vous une sculpture, une statue de glaise, qui sera immortelle dans la mémoire, immortelle dans la forme. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que progressivement, veut pas en résultat secondaire, parce que vous êtes dans l'autobus, tous ceux qui sont dans l'autobus ne sentiront plus le trou. Mais ça, on s'en fout! Mais c'est ce qui va arriver. Par contre, il y a des imbéciles qui vont dire, bien, moi, je vais essayer d'évoluer pour que les gens ne sentent plus l'autobus sauter. Évoluer uniquement pour vous. Si vous faites le ménage à l'intérieur, l'extérieur ne se permettra plus d'être sale. Mais si vous voulez faire le ménage à l'extérieur pendant qu'à l'intérieur ce n'est pas en ordre, vous allez toujours inculquer à l'extérieur ce que vous êtes vous, le désordre. C'est pourquoi tout à l'heure je disais qu'on doit à un moment donné faire un choix. Moi ou l'illusion des autres. Si un être humain commence à évoluer, il perturbera son entourage. Bon, la femme qui, à un moment donné, commence à découvrir son intelligence et à se centrer dans son intelligence, eh bien, elle n'est plus l'esclave du mari. Et le mari va lui dire, regarde ce qui arrive là, ce qui se passe. Ben, c'est ça. La femme dérange l'entourage. C'est ça l'évolution. Il faut que vous compreniez que l'extérieur est dans de la mémoire aussi. Si vous changez, vous obligez leur mémoire à changer, mais ils ne veulent pas. Ils devront s'adapter à vous. Alors ça les fera souffrir. Et c'est quoi la ruse de la mémoire? Eh bien, c'est de vous dire que c'est votre faute. Et parce que vous vous sentez coupable, eh bien, vous freinez votre évolution et vous vous dites, je vais attendre qu'il évolue. Vous voulez attendre qu'un autre fasse souffrir. Et vous voulez souffrir en attendant. La vie, ça n'apporte rien de bon à l'humain. Si l'humain n'est pas capable de s'en servir. Tu sais que la farine, c'est extrêmement explosif? Non, je ne sais pas. Ah ben, tu essaieras à un moment donné, tu prendras une grosse poche, tu la feras voler dans la maison, puis quand il y aura de la fumée partout, tu allumeras une allumette là-dedans. Ça va vous n'essayez pas ça. Ça va être explosif. Ma femme va me dire. Oui, c'est ce que je pensais, justement. Et la farine, si tu en respires beaucoup, c'est extrêmement toxique, c'est dommageable pour le système pulmonaire. qu'est-ce que la farine a à amener de bon à l'humain? Absolument rien. Sauf si l'humain sait en faire du pain. La vie, c'est la même chose. J'ai de la difficulté à avoir une raison de vivre puisque je passe la grande majorité de la journée à soigner ma santé. Le suicide peut-il être une option logique? Bon, je ne vous suggérerai pas de vous suicider parce que de toute façon, la majorité de ce que vous êtes allait revenir dans un corps qui sera par la suite enclin au suicide. Alors, ce qui fait que c'est qu'on complique les choses. Non. Encore une fois, la vie n'est pas là pour ce que l'humain veut qu'elle soit. Vous êtes un réparateur de jeux. Alors, vous rentrez dans un parc d'amusement pour réparer un jeu. Vous essayez la grande roue, vous commencez à réparer, là, vous embarquez dedans, puis vous voulez voir si elle vibre encore autant. Et elle commence à tourner. Et là, vous prenez plaisir à la roue. Prenant plaisir à la roue, vous oubliez pourquoi vous êtes venu dans le parc d'attractions. Prenant plaisir à la roue, vous vous imaginez que vous êtes un client, mais que vous n'êtes plus le contrôleur de la roue. Et parce que la roue tourne sans cesse et que vous ne voulez pas accrocher le levier en passant, bien vous allez passer une grande partie de votre vie à attendre que la roue cesse de tourner. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, alors que c'est vous qui êtes le contrôleur. Et là, il y a peut-être plein de monde qui s'amasse pour embarquer dans la roue. Ils trouvent ça beau, aux autres. Ils sont plus beaux chez le voisin. Puis vous, vous espérez que le contrôleur de la roue est dans le lot. Le contrôleur de la roue, il est dans la roue. C'est vous. Vous avez oublié. Parce que vous avez pris plaisir à embarquer dans la roue et à tourner avec. Dans la vie, c'est la même chose. Votre corps physique est malade. Génétique, c'est possible. C'est plate, absolument. Est-ce que c'est vous qui l'avez rendu malade? C'est possible. C'est aussi plate, c'est évident. Mais votre corps physique n'est là uniquement que pour vous permettre d'atterrir votre intelligence dans de l'expérience instantanée de vie. Cela permet à ce qui vous constitue comme matière de devenir suffisamment lumière, comme ce qui vous constitue comme lumière d'être capable de supporter de la matière. Bon, on pourrait expliquer encore plus grandement là-dessus, mais on reviendra à un moment donné, possiblement, sinon, de toute façon, c'est un sujet de séminaire. Parce que dans le corps, on se plaît, parce que tout l'extérieur du corps physique a été basé sur la distraction par le corps physique. Un corps physique malade demande qu'on se distrait moins avec. On ne peut pas sortir, on ne peut pas aller écouter de la musique. Bon. Ce qui arrive, c'est qu'on pense qu'il n'y a plus de but dans la vie. Parce que le but dans la vie semble être, pour la mémoire, l'accumulation de mémoire. Et c'est un problème. Imaginez, si vous pensez que le but dans votre vie, c'est d'accumuler de l'expérience, c'est d'accumuler de la mémoire. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans le miroir, dans votre tête, dans votre corps physique, dans votre âme, vous voyez de la mémoire, et bien nécessairement, vous voudrez avoir un corps physique pour triper, c'est-à-dire pour amasser de l'expérience. Vous aurez besoin d'aller voir des films d'horreur pour expérimenter la peur, vous aurez besoin de voyager pour expérimenter le dépaysement, vous aurez besoin de vous engueuler pour expérimenter l'amour. Après l'engueulade, souvent on s'aime fort. Et tout ce que vous faites, c'est ramasser de la mémoire. Vous vous prenez au sérieux, mais vous ne vivez pas sérieusement. Le corps physique malade n'a rien à voir là-dedans, parce que votre système neuronique, votre système nerveux est le même. On doit l'entretenir, entretenez-le. Il y en a qui sont bien plus chanceux que vous, eux autres, qui sont pognés à entretenir leur automobile. Eh oui. Il y en a qui sont bien plus chanceux que vous, qui sont pognés à entretenir leur compagnie. Eh oui. Il y en a d'autres qui sont bien plus chanceux, qui entretiennent leur maison. Eh oui. Puis il y en a d'autres qui entretiennent leurs illusions. Quand on reste assujetti de la mémoire, on est dans l'entretien. Mais c'est une question de point de vue, de savoir qui est plus chanceux que qui. Le suicide n'arrange rien. Pourquoi? Parce qu'en vous suicidant, vous allez expérimenter le meurtre. Expérimentant l'auto-meurtre, vous risquez fortement de vous réincarner. Premièrement, votre conscience n'aura pas été immortalisée. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas su vous servir de votre vie pour vous en égoïser et extirper l'intelligence chez vous. Ce qui est une grosse farce, bien souvent, lorsqu'on cesse d'être totalement humain pour devenir un peu plus divin, la vision que l'humain a du phénomène divin, bien souvent, le corps physique va se guérir de lui-même. Or, on ne doit pas vouloir évoluer pour guérir le corps physique. Ça ne fonctionne pas. On doit vouloir se servir de la vie pour en comprendre l'essence. Et là, il y a un paquet de résultats secondaires extrêmement plaisants qui apparaissent. Pas tous pour tout le monde, parce que ce ne sont pas tous les mêmes résultats dans le même ordre, mais c'est intéressant. Le suicide va faire que, ayant expérimenté le suicide, vous allez être attiré par un corps physique qui peut supporter un suicidé. Et il y aura donc peut-être 30-40 suicidés qui vont s'incarner dans ce corps-là. Ça va faire un enfant, donc qui va devenir adolescent puis adulte, et qui ira encore se suicider. Jusqu'à temps que vous, qui allez peut-être vous suicider, vous allez devoir, dans un corps, dans quelques années, bloquer le processus du suicide pour vous servir de la vie du corps de façon à parvenir à quelque chose. C'est souvent plus beau chez le voisin. Parce que le voisin ne se plaint pas de ce que vous vous plaignez. Mais se plaignant de ce qu'il se plaint, il trouve que vous... doit être utilisé. Elle ne sert pas. Elle doit être utilisée. On doit employer la vie de façon à pouvoir garantir dans son corps physique l'absolue expérience de l'intelligence. Ce n'est pas dans le monde de la mort que l'on sait plus. Ce n'est pas parce que quand vous êtes réveillé que vous ne savez pas, qu'une fois que vous êtes carrément endormi, que vous en savez plus. Dans le monde de la mort, vous aurez accès à de l'expérience, à de la mémoire beaucoup plus grandiose que ce que vous avez dans le corps physique. Ce qui vous, peut-être vous donnera l'illusion d'avoir accès à ce savoir, à Dieu, à de l'esprit. Mais le voyageur de l'astral ou la personne qui meurt à un moment donné, qui serait suffisamment consciente, découvre rapidement qu'il y a deux limites. L'actuel présent et le passé. Il y a deux limites. On ne s'en sort pas avec plus d'informations. On s'en sort avec de la compréhension. Et la compréhension, elle se terrestrifie dans un corps physique. Donc, on garde son corps physique vivant, on l'entretient au maximum, mais le but de la vie, c'est simplement de ne plus être dérangé par, tout en étant totalement conscient. L'individu qui se drogue n'est plus dérangé. Il n'est plus là. L'individu qui, à un moment donné, répète des mantras sans cesse, il est drogué par de l'énergie astrale. Non, rester conscient sans être touché par la problématique va disparaître parce qu'elle n'a plus d'utilité pour vous. Ça fonctionne. Mais pour cela, vous devriez parvenir à extirper, à immortaliser la conscience. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Et quand je dis pourquoi je dis c'est le pire, c'est que ça fonctionne à un point tel que c'est drôlement dommage que les personnes ne l'appliquent pas suffisamment pour se rendre jusque-là. C'est comme de dire, prenez de la gomme ballonne, faites des ballons, ça va en faire. L'individu, il prend la gomme ballonne, il a posé le papier, puis il essaie. Ça marche pas. Et là, il rejette tout au complet, puis il dit, c'est pas bon. Il n'a pas tout fait ce qu'il fallait faire, et pourtant, c'est aussi simple. Explique pourquoi l'escalade de violence chez les enfants, chez les adolescents, qui doivent être de la génération Teflon. Il y a d'autres questions, je regarde la vie. Premièrement, il y a plusieurs choses à comprendre au niveau de l'expérience de l'humanité. L'enfant Teflon fait partie de l'évolution nouvelle de la conscience chez l'homme. Il y a beaucoup d'adultes avec qui n'étaient pas des enfants Teflon et qui deviennent des adultes Teflon progressivement. De plus en plus de choses qui ne collent plus sur eux. Il y a aussi des adultes qui étaient des enfants Teflon, c'est évident, qui à un moment donné ont été peut-être un peu enterrés et qui renaissent un peu de leurs cendres. La violence, c'est bien souvent un point de vue. La violence, c'est évidemment une façon de s'exprimer. Quand les femmes ont commencé à se libérer, ils se promenaient avec des pancartes dans la rue, puis il y a beaucoup de mâles qui disaient « maudits qu'ils sont niaiseux, ils sont folles, ils sont psychopathes », et avec leurs pancartes en criant des slogans, bien, ils sont aussi violentes. Donc, c'était un point de vue du mâle, de la violence. C'était pas nécessairement violent, mais c'était perturbant. Par contre, on a des enfants qui vont crier aussi, qui vont vouloir se révolter, on dit qu'ils sont violents. Mais on ne les écoute jamais, alors à un moment donné, c'est à coup de poing qu'ils doivent parler. Et la problématique aussi, c'est que l'enfant Teflon, voulant s'individualiser dans son évolution, par sa conscience, il apprend à être... Il apprend toutes les mécaniques qu'on lui enseigne pour se détacher des autres, pour être le moins manipulable possible. Oh, il n'a pas tout compris. Il est manipulé par la quête de la non-manipulation. Mais lorsqu'il voit les émissions de télévision, il apprend les moyens. Lorsqu'on lui donne certains jeux, il apprend les moyens. Lorsque les adultes lui font la démonstration, il apprend les moyens. Apprenant les moyens, il apprend que la violence fait peur aux faibles, à la majorité des gens, et il est un peu gagnant, il est un peu le maître. Il a besoin d'être son seul maître. N'ayant pas l'éducation qu'il lui faut, il peut facilement devenir arrogant et très violent. Et on va dire violence gratuite simplement parce que sa violence n'est pas en accord avec ce qui, chez nous, génère la violence. Mais sa violence n'est pas gratuite. Quels sont les effets bénéfiques de la méditation? Est-ce qu'il s'agit du miroir parlé précédemment? Bon, la méditation, elle a un effet bénéfique jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire... elle permet à un être humain de se réchauffer astralement, c'est-à-dire qu'elle permet à l'être humain de développer une partie de la mémoire d'esprit, une partie de l'âme. Elle permet de développer une partie qui est extrêmement en affinité avec le neuf. Elle permet de développer une partie de l'âme qui est extrêmement en affinité avec l'évolution. La méditation permet cela. Le problème de la méditation, c'est qu'à un moment donné, on ne fait que cela, de la méditation. Alors, lorsqu'on est suffisamment libéré pour entreprendre un cheminement de conscientisation vers le neuf, la méditation n'est plus nécessaire. Vous savez, toute technique qui doit être pratiquée à jamais est une technique qui rend l'humain esclave. Et on ne devient jamais son seul maître en pratiquant continuellement une technique. Pourquoi ne pas avoir un mécanisme, un être qui nous sort complètement et pour toujours de l'obscurité? Exemple, la maison de la noirceur versus un coup de pied haut et la sortie. Bon, ben, c'est sûr, coup de pied sur le talon. Pourquoi ne pas avoir un mécanisme ou un être? Parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Nous devons créer la mécanique. Lorsque le Nazaréen est passé sur le plan planétaire, il a ouvert le ciel. Il a permis à des êtres humains de se sortir du monde de la mort. Cela a été mal interprété. Souvent, les personnes, la théologie va dire, maintenant, on peut rentrer au ciel. Toujours pu aller au ciel, c'est qu'on n'a jamais pu en sortir. Lazare a été le premier à en être sorti. Il a pénétré le monde de la mort. Tout le monde disait qu'il était mort. Le Nazaréen disait qu'il dormait. Elle disait que le corps physique pourrissait. Ah, mais on s'en fout. Sa conscience était immortalisée. Mais parce que Lazare devait revenir dans un corps de chair et qu'il ne retrouvait pas la planète Terre, le Nazaréen est venu et l'énergie vitale, disons la lumière du Nazaréen, a guidé Lazare et il a retrouvé son corps de chair. La mécanique, elle est simple. Un jour, on est tous dans la pièce ici, il fait noir. Dehors, il fait soleil. Alors, quelqu'un finit par ouvrir la porte juste pour voir, il la referme. Mais ça nous a un peu tous aveuglés. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui ouvre la porte et qui sort. La porte se referme lentement, alors on est un peu aveuglé, mais on commence à s'habituer à la lumière de dehors. Et là, il y en a un autre plus proche qui, lui, l'a eu plus dans le visage, et puis ça lui prend un peu de temps, et finalement, il sort lui aussi. Alors, on est encore plus habitué à la lumière de dehors. Et un deuxième sort, un troisième et un quatrième, et finalement, bien, il y a tellement de lumière à l'intérieur que progressivement, on s'habitue avec beaucoup moins de souffrance oculaire. Ce qui vient qu'il y a un temps où finalement on voit dehors, puis ça dérange plus trop, puis là on sort en gang, on sort tout le monde. C'est la mécanique qui fait qu'il y en a un qui doit sortir, le Nazaréen passé. Il y en a un deuxième, c'est Lazare, il va sortir prochainement. Il y en a un troisième, il y en a un quatrième, il y en a un cinquième, 6, 7, 15, 40, 300, 3000. L'évolution est exponentielle et vous n'aurez pas à passer par le cheminement que j'ai passé et vous n'aurez pas non plus à passer par... tous par un cheminement qui semble être épeurant ou extrêmement souffrant. Mais c'est évident que progressivement, tout le monde va s'habituer au neuf. On appelle cela néotypé, c'est-à-dire qu'on éclaire un peu plus l'obscurité et les individus s'habituent. La lumière, elle fait différentes choses. Quand tu vois la table qui est là, et tu dis, moi j'ai toujours aimé ça, les tables avec trois pattes, ça fait 2 millions d'années qu'elle est là, et je ne vois pas comment elle peut être différente. Lorsque la porte s'ouvre, la lumière éclaire les 6 autres pattes qu'il y avait en dessous. Tout ce que l'on considère comme étant la vérité est souvent détruite par le neuf, par l'intelligence supramentale, par votre esprit, par la conscientisation. Ce qui fait que bien souvent, l'homme, la femme et l'enfant ont une peur très puissante du neuf. Lorsque moi j'amène du neuf, comme dans le livre que j'ai écrit de la naissance à la mort, il y a du neuf dans possiblement chaque paragraphe. C'est un neuf concentré. J'aurais pu écrire une page complète avec chaque phrase. Ça permet à une personne de ne pas avoir à s'échelonner sur un paquet de mots pour concentrer ce qu'elle a à faire sur des parties de choses qu'elle peut comprendre si elle se donne le temps de les digérer. Le neuf permet nécessairement d'abîmer le vieux, c'est-à-dire que nous voyons le vieux dans une réalité plus claire. Ce qui fait en sorte que le vieux, la tradition, entre autres, n'a plus la même saveur. Exactement comme l'aveugle qui vit dans un milieu, alors il le connaît avec ses mains, ça n'est fait une idée. La journée qu'il ouvre les yeux, on ne sait plus son pantoufle. Les couleurs apparaissent, il n'avait pas prévu. Les formes qu'il croyait, ben, ça n'a vraiment rien à voir. Les personnages qu'il trouvait beaux sont peut-être plus beaux, peut-être plus laids. La lumière, elle fait cela, la lumière, c'est qu'elle terrasse l'illusion. Et comme nos mémoires sont supportées par l'illusion, alors nos égos ont drôlement peur d'évoluer. Comment l'homme veut évoluer? L'homme veut évoluer vers sa mémoire. Il veut évoluer vers un maître qui va lui confirmer que la table a trois pattes. Et quand un maître ou quand une information va arriver, il va dire « la table, elle a neuf pattes ». Les personnes vont dire « voyons, ben bête lui, ben violent, lui, pour qui se prend ?» Ah, ben, oui, mais la table est là. D'accord, elle n'a pas neuf pattes. Elle a six pattes de plus. Hein, il faut atténuer. Parlant de ton livre, est-ce que l'ego est plus puissant sur la Terre que dans l'avion? Je vais m'exprimer plus clairement. Quand j'ai commencé à lire le livre, j'avais de la misère. Si je lisais une page, deux pages, je recommençais, là, je retournais. Parce que c'est difficile, l'ego a de la misère à accepter des fois ce qui peut être écrit là-dedans. C'est assez... intéressant. Dans un avion, il faut lire 20 pages, puis une page après l'autre, je n'ai pas besoin de recommencer. Quelle est la différence entre... qu'est-ce qui se passe dans l'ego ou dans l'esprit ou dans quelque part? Pourquoi il y a une différence de potentiel ou de compréhension quand on est détaché du plan terrestre? Bon, ce n'est pas... C'est pas détaché de l'atmosphère, mais c'est quand même pas haut l'avion, mais c'est quand même... il y a des influences qui sont différentes. Non. Non? Mais pourtant, c'est plus facile, c'est plus compréhensible, non? Non. Okay. Non, c'est parce que lui, il pense que c'est l'avion, mais c'est parce qu'il était plus, il n'était pas au-dessus du territoire qu'il l'a vu naître, et du territoire où toutes les mémoires qui nourrissent ce qu'il est lui sont présentes. Lorsqu'il lisait le livre dans la région mémorielle où il est venu au monde, disons le Québec par exemple, il avait de la difficulté à accepter le neuf. Lorsqu'il a pris l'avion, il a traversé, par exemple, en Ontario, aux États-Unis, quelque chose dans le genre, ouais. Et ayant traversé le territoire, eh bien, il n'est plus entouré par la mémoire qui l'empêche de comprendre, il n'a que la sienne et son esprit limpide, et là, il commence à comprendre. Et c'est la distance. Tu aurais pu prendre l'automobile, puis aller en Floride, tu aurais compris la même chose. C'est la distance physique, c'est pas la la distance physique, c'est le fait que tu n'es plus dans ton entourage égrégorien. Et c'est pour cela, c'est pas question d'avion. OK. OK. Pourquoi ne pas briser le miroir? Vous n'êtes pas tout obligé de prendre l'avion pour lire le livre. Ben, c'est ça, mais je suis Je suis niaiseux un peu. Tu peux te prendre un avion. Pourquoi ne pas briser le miroir devant nous? Bon, si la question est pourquoi vous ne brisez pas le miroir devant vous, c'est parce que vous n'êtes pas prêt. Si la question c'est pourquoi je ne brise pas le miroir devant vous, pour la simple raison que si je brise votre miroir, vous allez voir mon chemin. Et par mon chemin, vous ne pourrez passer. Tout ce que je peux faire, moi, c'est amener suffisamment d'expérience de neuf pour que vous puissiez vous-même briser votre miroir et rencontrer votre chemin. Ce n'est pas vers mon esprit que vous devez aller, c'est vers le vôtre. Est-ce que l'ego et l'anti-homme signifient la même chose? À 99.99972, oui. Okay, le point 00028, c'est à quoi? Là? C'est de l'expérience de l'esprit qui accepte totalement le neuf. Ça ne nuit pas. Ce n'est pas l'antihomme. Lorsque le Christ a rejeté l'antihomme, celui-ci, l'antihomme, s'est retrouvé quelque part. Or, l'ego de Jésus, Christ, est présentement incarné. Oui. Ça va? Donc, si l'ego et l'antihomme ne sont pas la même chose, je suppose qu'il doit exister quand même, entre l'ego Jésus et l'antihomme superpuissant que le Christ a rejeté, un lien très fort. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que l'humanité a absorbé dans la spiritualité l'antihomme de Jésus, et l'ego de Jésus, qui est un ego qui a été évolué, qui a été grossi, à même l'expérience du Nazaréen, c'est-à-dire de Jésus-Christ, c'est-à-dire de Jésus mêlé à l'intelligence supramentale, qui est l'énergie christique dans la vieille étymologie, parce que l'ego... Bon, ce que nous comprenons simplement, c'est que l'enfant Jésus a un tout petit antihomme, c'est un enfant, vers l'âge de quelques années, de 3 ans, il y a un petit peu de contact supramental que lui appelait son père, le Père Céleste, qui à un moment donné commence à lui dire que dans pas grand temps, je vais voler ton corps. Et là, Jésus ne veut rien savoir parce qu'il se sert du corps comme toute l'humanité pour apprendre, pour avoir de l'expérience. Vers l'âge de 9 ans, il a la certitude qu'il va perdre. Et là, il y a une partie de l'antihomme qui est intéressante. À 12 ans, l'intelligence, l'esprit descend plus profondément, transformant l'homme Jésus, enfin l'enfant Jésus, en Dieu humain. Ce qu'on va appeler aussi l'alliance Jésus-Christ, le Nazaréen dans son langage à lui. Lorsqu'il va dans le désert, il a suffisamment, là il a totalement accepté, c'est-à-dire que la partie, le 002, bon, a accepté la présence de l'intelligence, c'est l'ego Jésus. Dans le désert va être expulsé l'antihomme dans une région où il n'y a pas trop d'humains pour absorber. L'humanité en général va l'absorber, mais pas un être humain plutôt qu'un autre. Par la suite, le peu qui reste de mémoire de Jésus, mais totalement pur du point de vue de l'âme, va vivre dans le corps physique, donc il accumulera encore de l'expérience, mais cette expérience sera chapeautée par la présence de l'intelligence christique jusqu'à temps que l'intelligence christique lâche le Nazaréen sur la croix, abandonne le corps de Jésus, et c'est là que l'enfant Jésus va dire, « Père, pourquoi m'abandonnes-tu? » Parce que là, l'intelligence vient de repartir dans le monde de la mort pour finaliser quelque chose qui est la résorption de certains faisceaux reliés à sa présence. Cet ego-là est de l'ego. Étant donné que c'est l'ego de Jésus, il n'y a pas de force de frappe anti-évolution comme l'antihomme, mais cet ego, Jésus, a l'expérience que le contact avec l'intelligence, ben, ça peut être drôlement problématique parce que il s'est retrouvé sur une croix. Puis l'autre est parti. C'est ce qui nuit dans la réincarnation de l'ego Jésus, non pas de l'antihomme. C'est ce qui nuit à l'acceptation inconditionnelle de l'intelligence. Bon, Jean le Baptiste a vécu la même chose. Il a eu un contact, il a parlé de ce contact, et puis on lui tranche la tête. Bon. Donc ça freine ceux ou celles ou celui. C'est réincarnation qui... d'ego, oui. Okay. Ça les freine d'aller vers l'évolution, parce qu'ils ont pas. Mais vous ne serez pas crucifié si vous évoluez. Maintenant que d'autres l'ont fait, il n'y a plus de problème. Même que l'ego Jésus le sait. Sauf que même s'il le sait, il est entouré de mémoire qui lui montre encore le paysage. Est-ce une bataille à finir avec Satan? Bon, Satan, à un moment donné, on va se le servir sur un plateau et on va le manger, on va le digérer. C'est évident que c'est une bataille à finir, toutes les batailles sont à finir. Satan s'amoindrit. Oui, mais Satan l'atmosphère. La conscience qui s'immortalise se mélange-t-elle à d'autres consciences ayant la même énergie ou revient-elle de façon intégrale dans un autre corps? Bon, premièrement, vous ne voulez pas, pour la majorité, connaître la réponse. Et nous allons parler de la réincarnation, de cette conscience, la semaine prochaine, justement, sur la réincarnation. Alors, on pourra y revenir. Pourquoi tu dis qu'on ne veut pas connaître la réponse? Parce que les égaux ne veulent pas connaître la réponse. Pas sûr. Connaître la réponse. Ah, moi, j'en connais plein de gens qui veulent absolument tout connaître. Puis quand je leur dis, ben là, ils maillent sa mort, puis ils s'en vont se frustrer. Ben voilà, ils ne voulaient pas le connaître. Il n'y a pas une manière de donner la réponse sans frustrer. Absolument. Je peux aller donc. Mais je l'ai fait. OK. Lorsque nous regardons dehors et que nous sommes éblouis, pouvons-nous mettre des verres fumés? Mm-hmm. Les verres fumés, qu'est-ce que c'est? C'est l'initiation lunaire. Ça revient encore un peu à la même chose. C'était la deuxième question. Qu'est-ce que le verre fumé? Voilà. Le verre fumé, ça préserve. Le verre fumé, c'est le concept. C'est un peu comme on fait encore présentement. C'est aussi ce que les religions ont fait. Les religions ont mis des verres fumés aux yeux de l'homme pour que l'homme ne prenne pas le champ lorsqu'il conduit son automobile aveuglé par le soleil. Sauf qu'à un moment donné, on s'attache seulement à nos verres fumés au nom du fait qu'ils nous ont protégé la vue, qu'on ne veut pas s'habituer à autre chose. Le verre fumé, il est extrêmement teinté, mais progressivement, on doit gratter dedans, on doit prendre un verre fumé qui est de moins en moins teinté, qui va nous révéler un paysage de plus en plus clair. Mais le paysage de plus en plus clair qui nous sera révélé sera en contradiction avec la mémoire que nous avons de ce que nous avons vu. Autrement dit, plus vous allez vous conscientiser, plus ce que vous allez découvrir sera en contradiction avec ce que vous avez appris. Et c'est cela qui est la problématique, c'est que l'humain va évoluer habituellement uniquement vers ce qu'il est sûr qu'il sait, et il recherche la confirmation de ce qu'il sait. Quelqu'un vient me voir à un moment donné, il me dit, « Moi, j'ai rencontré Dieu. » Bon, j'étais à faire de la méditation transcendantale, et puis à un moment donné, en répétant mon mantra, « Eh bien, j'ai vu Dieu. » Est-ce que ça se peut? Mais le pauvre type, qu'est-ce qu'il vient me voir pour que je lui dise oui? Il vient pas me voir pour savoir. Quand je dis que les égos, souvent, ne veulent pas savoir. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est que l'individu se brasse et arrive à se répondre lui-même. Je réponds oui. Jamais je ne l'habituerai à se répondre à lui, que ce soit vrai ou non. Alors, je lui réponds non, ça ne se peut pas. Ben voyons donc, je sais mieux que toi. Alors, non, tu ne sais pas mieux que moi. Ah, puis là. Qu'est-ce qu'il a appris? Ben, parce qu'il n'est pas encore assez réchauffé, il a appris que je ne valais rien. Mais il n'a pas appris ce qu'il devait apprendre. Il n'a pas appris que lui devrait parvenir à être capable de se répondre. Quand il se répond, il se dit, oui, mais je peux me tromper. Bon, alors si je te dis, oui, tu veux savoir si tu as vu Dieu? Bon, veux-tu que je réponde oui ou non? Ah ben, je sais que j'ai vu Dieu! Si je réponds oui, ben c'est sûr. Oui, tu as vu Dieu. Je le savais. C'était sûr. Puis il s'en va. Mais c'est un maudit bon gars, ce Neil-là. Ah, oui. Et là, il va y avoir 2, 3, 4 000 personnes qui ont venir écouter mes conférences. C'est une bonne recette. Mais je ne peux pas l'appliquer. Je suis soit trop évolué, soit trop niaiseux. Je ne peux pas l'appliquer. Alors, la personne qui pose ce genre de questions, elle ne veut pas non plus avoir la réponse. Le verre fumé, ben, etc., ça fait partie de l'illusion. Alors, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux lui mettre un verre fumé, c'est-à-dire que je peux lui ôter ses verres. En réalité, ce que je fais, c'est que je peux lui mettre un autre verre plus mince devant son verre épais. Alors, pendant que je parle, elle ne comprend vraiment plus rien, parce que là, il y a les deux verres un par-dessus l'autre, elle voit moins bien qu'avant. Puis après ça, je vais retirer progressivement, ou elle le retirera elle-même, le vieux verre. Et là, elle va voir un peu mieux que ce qu'elle voyait avant. C'est-à-dire qu'elle va digérer ce que j'aurais dit, elle comprendra un peu mieux par la suite. Si les mémoires digèrent l'intelligence, est-ce que l'intelligence peut digérer les mémoires? Les mémoires ne digèrent pas l'intelligence. Les mémoires enveloppent l'intelligence. Mais l'intelligence, elle digère les mémoires, c'est-à-dire qu'elle déforme la mémoire pour en créer un contenant de neuf. Ceux que la maladie a habité, est-ce que ce serait seulement des mémoires qui la hantent ou serait-ce la façon dont ils pensent, avoir des pensées pures? Si oui, pourquoi des saints souffrent-ils dans le corps et très souvent meurent-ils du cancer? Les saints sont-ils des égaux? Cancer du sein. Cancer du sein. Bon, il y a beaucoup de concepts ici à l'intérieur qui sont intéressants. Ceux que la maladie habite ou habité, est-ce que ce serait seulement que des mémoires qui la hantent ou serait-ce la façon dont ils pensent? Avoir des pensées pures. Qu'est-ce qu'une pensée pure? Une pensée pure, c'est une pensée qui ne contient pas d'information. C'est pas une pensée, c'est pas d'information. C'est une pensée pure. À quoi ça ressemble une pensée sans information? Ben, ça ressemble à rien que tu connais. Toutes tes pensées contiennent de l'information, alors essaye pas de fouiller dans ta mémoire pour voir à quoi ressemble une pensée sans information. Mais une pensée pure est une pensée qui ne contient pas d'information, comme une arme pure est une arme qui ne contient pas de mémoire. Bon. Alors, avoir des pensées pures, non, parce qu'il y a la génétique, et vos parents se sont réincarnés chez vous. Il y a la génétique, il y a plusieurs facteurs qui peuvent engendrer les maladies. Il y a aussi les maladies qui sont karmiques, karmocollectiques, soit les maladies transmises sexuellement, ou les MTS, les maladies transmises de soi. Que ce soit les maladies qui sont endémiques, l'épidémie, la grippe, etc., ce sont des maladies qui viennent là. Quand l'humain a un taux vibratoire au niveau de sa conscience tel qu'il est capable de contrôler le corps physique n'est plus malade. C'est le virus qui est malade du corps et non pas le corps qui est malade du virus. Maintenant, si oui, pourquoi des saints souffrent-ils dans le corps? Et très souvent, meurent-ils du cancer? Les saints sont-ils des égaux? La majorité des saints que l'on a connus, ce sont des gens qui ont été sanctifiés parce qu'ils ne semblaient pas souffrir autant que ce que nous aurions souffert à leur place. Parce qu'ils enduraient plus ou parce qu'ils souffraient moins? Un individu, par exemple, il endurait plus, il n'endurait pas plus, il souffrait moins. L'individu qui a des lésions cérébrales qui fait qu'il ne détecte pas la douleur, lorsqu'il a un cancer généralisé en train de le gruger et qu'il a encore le sourire parce qu'il sent pas sa douleur, on le pense pour un saint. Les saints sont-ils des égaux? Oui. Et les saints, ce sont des visualisations du... C'est la masse des gens qui vont sanctifier, comme on peut béatifier quelqu'un. Et c'est nous qui allons béatifier le souffrant. On appelle ça les saints martyrs, etc., etc., etc., etc. Parce que l'humanité, et vous avez des parties de mémoire de l'ego qui devront changer, et ces parties de mémoire de l'ego vous forcent à souffrir. Pourquoi? Parce que l'ensemble de l'évolution archétypale, c'est-à-dire traditionnelle de la planète, est basée sur l'expérience. Étant basée sur l'expérience, elle est basée sur l'idée, sur l'exemple de la souris qui, lorsqu'elle approche d'une trappe, s'électrocute un peu le museau. Elle prend un choc électrique et à la longue, à force de souffrir, elle finit par savoir quelle porte aller prendre pour aller chercher son morceau de fromage. Et là, on se dit « Waouh! » Alors que la petite idiote que tu mets dans la cage, puis la première porte qu'elle trouve, c'est la bonne, je dis, elle, on n'apprend rien avec elle, il faut faire d'expérience. Elle est évoluée, elle a l'initiation solaire, ce n'est pas méritoire, elle réussit du premier coup. Et pour nous, c'est... Oui, non, c'est pas ça que je veux, là. Amène-en une, là. Bon, ah, parfait. Là, maintenant, tu commences à noter. Ça, c'est de la science concrète. Pas le savoir instantané de la souris qui, de la première porte, elle trouve. Rien d'intéressant là-dedans. Elle est plate, elle. C'est absolument effarant. L'évolution de l'humain est basée sur un peu le même processus, c'est-à-dire que l'humain a l'impression qu'il doit mériter son ciel. Est-ce que c'est pas dû aussi au fait que Jésus-Christ a été crucifié, puis que c'est le summum de la souffrance, puis que ceux qui s'en approchent le plus sont des saints? Mais Jésus-Christ n'a même pas souffert de porter la croix. Non, mais la perception de... Ouais, les gens souffraient pour lui, effectivement. Oui, c'est la perception. Mais l'idée, simplement, c'est qu'une grande partie de la structure évolutive de l'humain est basée, a été engendrée par des égrégores dans le monde de la mort, dans la mémoire. Quand on dit mériter son ciel, ça veut dire quoi? Vous devez avoir tellement d'expérience chez vous pour que quand vous allez mourir et gagner le monde de la mort, puissiez au moins ramener quelque chose dans le monde de la mort. Et le monde de la mort sera content. Bon, Dieu, etc., sera content. Mais ce n'est pas ce que vous devez faire, parce qu'on ne doit pas mourir. On doit parvenir à transcender la mort. Je ne parle pas nécessairement de la mort physique, ça se fait. On viendra là-dessus la semaine prochaine. Mais je parle de la mort réelle au niveau de la conscience. La mort physique, c'est autre chose. Bon, quand on a une évolution de conscience intéressante, on est capable d'entretenir l'automobile plus longtemps. Bon, d'accord, mais c'est pas l'automobile qui est important. C'est pas le corps physique. Alors, les saints martyrs, etc., parce qu'on veut toujours le mérite. L'individu qui, à un moment donné, comme j'expliquais à un moment donné en séminaire, l'évolution, je prends un revolver et puis je prends une personne dans la salle ici, puis je tire dessus, puis je lui arrache l'oreille. La personne essaie de se concentrer, puis au bout d'une demi-heure, elle a restructuré son oreille. Tout le monde va dire, hey, c'est un maître. Je prends mon revolver ici, je tire une autre personne, flanque, puis le revolver s'enraye. Ah, elle est chanceuse. Il est là, le maître. Voyons donc, c'est un hasard. Non, vous ne devez pas nécessairement tout contrôler ce qui se passe. On va dire, comment t'as fait? Il va dire, moi, j'ai rien fait. Lui, il est plus utile cosmiquement que lui. Et en plus, lui n'a pas besoin de mériter, alors que lui a appris à travailler, il restructure l'oreille. C'est méritoire. Mais l'ensemble des gens, si lui se met à faire des conférences, puis l'autre aussi, vont aller voir celui qui a restructuré son oreille, parce qu'ils vont voir là le travail de la structuration mémorielle, le mérite. Alors que celui qui est exactement comme la Panthère Rose, enfin l'inspecteur Clouseau, qui lorsqu'il se penche pour attacher ses souliers, bien il y a une flèche qui se plante en haut de lui, puis qu'il s'en va, puis que jamais on arrive à le toucher, alors qu'il ne s'est même pas rendu compte que tout au long de son déplacement, on avait voulu le tuer. 40 fois, mais jamais une fois, il l'avait vu. Alors on se dit, lui, oui, mais lui, c'est un cinglé. Oui, c'est peut-être un cinglé, mais c'est ça le maître. Le maître, c'est proche du fou, de par la vision de ceux qui le regardent. C'est celui qui décide de se pencher pour ramasser le Saint-Saëns pendant que la balle perdue d'un voleur ou d'un policier frappe le mur. Pourquoi devoir continuellement être au courant de tout ce qui se passe pour faire, comme dans toutes les visualisations de maître, être conscient de tout? Voyons alors, c'est stressant. Moi, j'aime autant boire le bon verre d'eau plutôt que de boire le verre empoisonné. C'est beaucoup plus simple. C'est ce que l'intelligence instantanée amène. La simplicité, mais pas le mérite. Pour le prochain séminaire, ceux qui sont intéressés, faites une expérience avec un canon. Ne sommes-nous qu'une marionnette qui attend la fusion? On est une marionnette qui va participer à la fusion, mais on n'est pas une marionnette qui attend la fusion. Ce que vous devez savoir, c'est que tout ce qui exprime ce que vous êtes est la marionnette, pas vous. Et parce que nous sommes dans la marionnette et que nous n'avons pas encore appris à prendre le contrôle de la marionnette et que nous nous fions totalement à celui qui la manipule, on s'illusionne d'être une marionnette. Il n'y a pas de libre-arbitre parce que les lois de la matière sont limitées. Mais nous ne sommes pas une marionnette, bien que nous soyons présentement à être exprimés dans une marionnette. Si c'est mécanique l'évolution, alors avons-nous un rôle autre que spectateur? Oh oui, pendant la partie de l'évolution où vous êtes méritoire, non. Moindrement vous commencez à comprendre des choses, moindrement vous commencez à ouvrir la porte vers le neuf, vous allez être celui ou celle qui allait engendrer l'évolution. Les autres seront des participants qui par la suite procéderont comme vous aussi. Le libre-arbitre n'existe pas, mais la liberté, elle existe. Alors on doit la chercher. L'immortalisation est utile. La semaine prochaine, il y a deux événements mercredi. D'abord, la conférence régulière, les mécanismes de la réincarnation qui auront lieu à l'hôtel LDN de Longueuil, même heure qu'à l'habitude. En plus, le nouveau livre dont je parlais tantôt, j'ai eu la chance de lire cette semaine, de la naissance à la mort, sera disponible. Merci. Bonne semaine à tous.